Amis humains, bonjour. Les États-Unis détiendraient la possibilité d'intervenir sur les conditions climatiques et de manipuler mentalement les populations. Écoutez. Selon un rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la planète pâtit de plus en plus des influences humaines. Le changement climatique s'accélère et la planète change de visage. Ce rapport d'environ 2000 pages contiendrait des questions et des réponses concernant les conditions climatiques et ses changements actuels et à venir. En parallèle de ce rapport, le sujet des conditions climatiques et ses changements est toujours un sujet brûlant. Effectivement, ce sujet donne naissance à des théories assez violentes. Entremêlées avec les théories concernant le nouvel ordre mondial ou une gouvernance mondiale, la théorie de l'arme modifiant les conditions climatiques et interférant sur les comportements humains trouve également sa place. Fiction ou réalité? Il s'agit d'une théorie aussi incroyable qu'inquiétante. Les États-Unis ont été en mesure de créer une arme dépassant l'imagination de beaucoup d'entre nous. Une arme tellement puissante et flippante qu'elle rendrait presque obsolètes les drones et les F-117 furtifs. Ils auraient été en mesure de créer l'arme ultime. Cette arme ultime s'appelle High Frequency Active Auroral Research Program, ou ARP en abrégé. Le projet ARP aurait peut-être trouvé une place dans les grottes des oubliés et des ricanements. Mais, après quelques années, ce sujet a été présenté comme une réalité par des professionnels du journalisme et de la science. Au départ, ARP était un projet scientifique et militaire des États-Unis. Ce projet est actuellement un programme de recherche, en phase constante de développement, géré par l'Université de l'Alaska pour ses activités scientifiques et par l'US Navy pour ses activités militaires. Ces activités militaires sont appuyées par la base militaire de Kirtland AFB. ARP est doté d'une base située à Gakona, une petite ville des États-Unis, possédant un champ de 180 antennes dipôles et son installation a coûté, officiellement, 30 millions de dollars. Plus précisément, ARP est un programme de recherche sur l'ionosphère, c'est-à-dire la partie supérieure de l'atmosphère de notre planète, la zone de l'atmosphère qui a pour origine les rayons ultraviolets du Soleil. À l'aide des moyens de recherche comme l'IRI, instrument de recherche ionosphérique, ou les techniques radioélectriques, des modifications vont être exercées à l'intérieur de l'ionosphère. Ces modifications vont être obtenues en envoyant des ondes haute fréquence dans l'ionosphère. L'objectif est d'étudier les effets néfastes de ces modifications ionosphériques sur nos systèmes de communication longue distance. ARP est capable de créer à l'intérieur de l'ionosphère des orages magnétiques. L'excitation de l'ionosphère par ces orages magnétiques permet d'étudier l'impact de ces fluctuations sur nos systèmes de navigation par satellite, nos transports d'électricité longue distance et nos moyens de communication. Selon un article publié sur un site d'information alternatif, la Commission des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Politique de Défense du Parlement européen a tenu une audience, à Bruxelles, au sujet de ARP. Cette commission note que, en vertu de son impact étendu sur l'environnement, constitue une préoccupation mondiale, le comité demande que ses implications légales, écologiques et éthiques soient évaluées par un organisme international indépendant. Selon le même article, en 2002, le Parlement russe, la Douma, a aussi présenté ses inquiétudes, un saut qualitatif considérable en matière d'armement. Quelles sont les possibilités de ARP? ARP, qui est un programme militaire en développement constant, serait capable, actuellement, d'effectuer des modifications climatiques à l'échelle mondiale. ARP a toutefois autres objectifs de capacité militaire. 1. Détruire des fusées et des missiles. 2. Détruire des satellites. 3. Détruire des installations électriques civiles et militaires. 4. Modification du climat sous forme d'armes climatiques. 5. Détournement d'avions. 6. Bouclier anti-missile. 7. Capacité de scanner les océans sur de grandes profondeurs. 8. Créer des séismes. Toujours selon l'article intitulé « The Revolution in Military Affairs Strategic Study Institute, US Army War College », des extraits d'une revue interne du Pentagone auraient été présentés il y a quelque temps. Dans cet extrait, il y est écrit « Nos valeurs changent et la technologie s'ouvre sur des nouveaux horizons ». Il y a peu, pendant la guerre froide, les opérations psychologiques et l'armement psychologique étaient encore primitifs. Alors que nous entrons de plein pied dans l'ère de l'électronique et de la bioélectronique, il devient nécessaire d'évaluer les barrières morales et éthiques que nous avons posées en interdisant toute technologie pouvant manipuler l'esprit de nos ennemis tant à l'intérieur du pays qu'à un niveau international. Dès que ce sera possible, nous encouragerons des entreprises privées ou semi-privées à développer une technologie appropriée. Nous pouvons agir de même avec les nouveaux types d'armements comme les armes biologiques incapacitantes et les armes psychotechnologiques avancées. Jean Manning, une journaliste spécialisée dans les recherches d'énergie non conventionnelle, et un médecin Nick Bojich ont publié un livre avec pour titre « Les anges ne jouent pas de cette harpe ». Selon le livre, harpe, au stade de développement actuel, est dans la capacité d'intervenir sur les comportements humains. Rosalie Bertel, qui est décédée en 2012, était une scientifique et consultante pour le groupe écologiste. Au Parlement européen, elle avait travaillé sur le sujet harpe. Rosalie Bertel et Nick Bojich affirmaient que HARP était une arme psychotronique utilisant des ondes elf ultra basse fréquence de forte puissance capable de manipuler mentalement les populations. Ils ajoutent que le professeur José Delgado de l'université de Yale avait d'ailleurs découvert en 1952 que les ondes elf pouvaient interférer avec les fréquences cérébrales et ainsi provoquer la synthèse de substances neurochimiques altérant les émotions, peur, dépression, colère, etc. Ce qui est certain, c'est que HARP et son programme ouvrent les chemins de théories tout à fait incroyables. Nick Bojich avait collaboré avec Jean Manning pour écrire un livre. Le programme de HARP étant un programme d'armement militaire est clairement établi. Rosalie Bertel était aussi connue pour sa théorie des « chanterelles ». Selon sa théorie, certaines traînées blanches, dans le ciel, après le passage d'un avion, ne seraient pas des traînées de condensation. Ces traînées seraient, en réalité, constituées de produits chimiques ou aérosols, déversés en haute altitude. Cette théorie n'avait trouvé aucun écho dans la communauté scientifique. Évidemment, des questions se posent. Les affirmations de Rosalie Bertel et Nick Bojich sont-elles fiables, ou est-ce des théories plus que douteuses? Quel est le véritable rôle du Parlement européen en récupérant le dossier HARP? Mais, si on analyse l'évolution, possible et certaine, de la science militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, un pays impérialiste, comme les États-Unis, aurait-il pu acquérir des possibilités d'armement aussi puissantes? Du 13 juin 1944 au 29 mars 1945, alors que l'Allemagne nazie était sur les chemins de la défaite, ses missiles 5-1, les premiers missiles de croisière, s'abattaient sur l'Angleterre. En 1942, ce fut ces missiles balistiques 5-2 qui, pour la première fois, avaient atteint la mésosphère, limite avant d'entrer dans l'espace, et qui s'abattaient sur ces mêmes villes. Après la découverte de ces missiles de croisière et balistiques, beaucoup de gens, officiellement, même les dirigeants des différents gouvernements de l'époque, avaient été stupéfiés de l'invention de telles armes, car, pour beaucoup de personnes, de telles armes ne pouvaient pas exister. Cela s'est produit il y a plus de 60 années, et, évidemment, en 60 ans, la science militaire a continué de se perfectionner. Si la science militaire a continué d'évoluer, de se perfectionner, un pays impérialiste comme les États-Unis aurait-il pu créer, après 60 années, une arme aussi puissante que HARP? Une arme tellement puissante, qui, comme les 5-1 ou les 5-2 en 1944-1945, serait dans la perception des masses, quelque chose qui ne peut pas exister, d'impossible. Officiellement, depuis juillet 2013, les installations de HARP et son programme ont été arrêtées pour des raisons budgétaires. Cette arme avec ses possibilités de manipulation climatique et psychotronique, est-ce une fiction ou réalité? Jimmy Dalidou. Vous écoutez Radio Parasite. À bientôt pour une prochaine émission. Et grosse bise mutante. Thank you.